Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, l'histoire de l'une des plus emblématiques organisations non gouvernementales de la planète et pour la défense de celle-ci, Greenpeace. Traduit littéralement, ça fait paix verte. C'est tout à fait le cas. Écologistes et pacifistes, déterminés, respectés, les membres de Greenpeace sont aujourd'hui un peu plus de 10 000 hommes et femmes partout dans le monde à incarner le visage de cette association internationale dont les valeurs sont connues de tous. Et son engagement idéologique est un combat quotidien, avec pour arme notamment l'adhésion de l'opinion publique. De cette lutte permanente pour la protection de l'environnement, Greenpeace a fait depuis 45 ans son cheval de bataille. Quel que soit le cadre, quel que soit le contexte, l'association écologique est là, à coup d'opérations spectaculaires et médiatiques, pour rappeler au grand public à quel point l'équilibre de notre biosystème est précieux. Campagne anti-nucléaire, protection de la biodiversité et de la vie sous-marine, promotion des énergies renouvelables et défense des populations, Greenpeace est aujourd'hui le fer de lance de bien des combats en matière d'écologie. Et forcément, la situation que nous connaissons aujourd'hui lui donne du grain à moudre. Tiens, parlez-en à tous nos glaciers, ils vous confirmeront. Notre invité aujourd'hui, Jean-François Julliard, directeur de Greenpeace France. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Adrien Gara, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Lègle et Jérôme Boulet. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Mercredi 2 décembre 2009, Paris, il est midi et demi. Dans le quartier de l'Assemblée nationale règne une intense agitation. Depuis quelques minutes, des gendarmes se déploient dans les rues adjacentes du Palais Bourbon. Dans le ciel, on aperçoit un hélicoptère de la sécurité civile qui survole l'édifice. Rue Aristide Briand, sur la façade est de l'Assemblée, la circulation est interrompue. Plus loin, on distingue une grande échelle métallique déployée à l'arrière d'un camion rouge. Serait-ce une intervention des pompiers ? Ça y ressemble. Des badauds s'arrêtent sur le trottoir d'en face. Certains d'entre eux font des signes en direction du toit. En haut, on aperçoit des hommes en combinaison rouge, casque vert sur la tête. Ils tiennent de grandes pancartes sur lesquelles on peut lire « Aux actes, monsieur le président ». Qui sont donc ces personnes ? Des militants politiques ? La réponse se trouve en réalité non loin de là, en bas, autour du camion rouge. Là, d'autres individus portent des combinaisons sur lesquelles on peut lire en toutes lettres « Greenpeace ». Il s'agit donc des écologistes. Quelques minutes plus tard, sous l'œil des caméras de télé, les gendarmes interpellent à plus de 25 mètres de haut la dizaine d'activistes de l'association. Fin de la démonstration de force, pense-t-on, à l'Assemblée. Prochaine séance, cet après-midi à 15h, la séance est levée. À 15h précisément, dans l'hémicycle, la séance de questions au gouvernement débute. L'ambiance est calme. Un détail pourtant attire l'attention. Au premier étage, les balcons réservés au public sont pleins. En bas, à la tribune, le ministre de l'écologie, Jean-Louis Borloo, s'exprime en prévision du sommet de Copenhague sur le climat qui aura lieu dans 5 jours. Une fois son discours terminé, il descend se rasseoir. Le président de l'Assemblée, Bernard Accoyer, appelle alors le président du groupe Nouveau Centre, Stéphane Demilly, à prendre la parole. Au moment où le député s'installe à son tour à la tribune, plusieurs individus se lèvent de façon synchronisée au balcon du premier étage. Pendant ce temps, devant le micro, concentré sur son propos, Stéphane Demilly n'a rien remarqué au moment où il débute son allocution. Madame la ministre, monsieur le ministre, monsieur le président, mes chers collègues, le mur de Berlin est tombé il y a 20 ans, le temps d'une génération. À Copenhague, dans moins d'une semaine, c'est un autre mur qu'il nous faudra abattre pour les générations futures. Aux sceptiques et... La séance est suspendue. Interruption de séance. Vous entendez, le président vient d'interrompre cette séance, car il semble qu'il y ait à nouveau des militants de Greenpeace qui soient parvenus à rentrer dans l'hémicycle, enfin en tout cas sur les balcons du public qui sont au-dessus de l'hémicycle. Ils tentent de déployer une banderole jaune sur laquelle j'ai cru pouvoir voir Copenhague aux actes, monsieur le président. Les gendarmes se précipitent vers les balcons pour déloger les activistes. Au même moment, on aperçoit, accrochée à un câble, une militante de l'association écologique qui descend en rappel pour atteindre les bancs de l'Assemblée. Elle est ceinturée par un huissier. La scène est spectaculaire. La confusion, elle, totale. Les députés sont debout. Du côté des Verts, on applaudit. Réaction inverse sur les bancs de la majorité, l'UMP, où l'on eut l'initiative. Il faut plus d'un quart d'heure pour que le service d'ordre évacue les militants et que la séance reprenne. Sur les chaînes d'information en continu, on interrompt les programmes pour des flashs en direct sur la situation à l'Assemblée. Le soir, tous les journaux télévisés s'ouvrent avec des images de l'irruption des militants Greenpeace dans l'hémicycle. Pari gagné pour l'association et ses militants qui entendaient alerter le président Nicolas Sarkozy, comme l'explique Karine Gavant, l'une des militantes qui a participé à cette action. Cela faisait plusieurs semaines déjà que nous pensions à investir l'Assemblée nationale, le cœur de la démocratie, puisque notre message, qui est porté par Greenpeace, mais qui est aussi porté par les 450 000 signataires de l'ultimatum climatique, un appel adressé au chef de l'État français, n'a pas été entendu. Et ce qu'on demande, c'est du concret, c'est des chiffres pour permettre à la négociation d'avancer, pour permettre de vraiment obtenir un accord qui soit ambitieux, juste, contraignant, mais surtout qui nous permette de rester sous la barre des 2 degrés d'augmentation des températures. Cette opération menée par Greenpeace s'inscrit dans plus de 3 décennies de militantisme écologique, d'actions menées aux 4 coins du globe, sur les 5 océans de la planète, avec comme leitmotiv protéger l'environnement et dénoncer les dérives humaines. Pourtant, si aujourd'hui tout le monde connaît le nom de Greenpeace et son utilité, toujours prête à défier les multinationales du pétrole et les États, qui connaît réellement son histoire ? Comment est-elle devenue l'une des plus grandes ONG au monde ? Pourquoi a-t-elle été pionnière dans l'activisme écologique ? Et puis, quels ont été les premiers combats et les étapes symboles du développement de Greenpeace ? Septembre 1971. Aux États-Unis, dans les rues de Washington, Boston ou San Francisco, des centaines de groupes pacifistes et contestataires s'opposent à la guerre du Vietnam. Dans ce pays continent, grand comme 17 fois la France, les tensions sont vives. Interpellés par l'émergence d'une culture alternative, le mouvement hippie, les Américains revendiquent leur émancipation. Sur la côte ouest du pays, le long du Pacifique, des groupes de jeunes armés de guitare et roulant en combi Volkswagen explorent de nouveaux choix de vie et de nouvelles voies dans l'habitat, l'éducation, la culture, la spiritualité, la sexualité. Apparaît alors une nouvelle préoccupation qui va devenir une revendication, l'écologie. Mieux utiliser nos ressources naturelles, réduire notre consommation d'énergie, promouvoir des productions renouvelables, voilà pour les grandes idées. Des prétentions qui se retrouvent alors en contradiction avec les pratiques usuelles. Car au milieu des années 70, en pleine guerre froide, les États-Unis et son rival, l'Union soviétique, eux sont dans une toute autre logique. Matérialiste, consumériste et nucléaire, civil comme militaire. D'où leurs essais pour la maîtrise de la bombe atomique qui se multiplie avec le risque toujours plus grand d'une contamination des sols, des territoires et des populations. L'île d'Amchitka, au large de l'Alaska, dans l'archipel des Aléoutiennes. Depuis des semaines, des hommes forent le sol pour y enfouir à 1800 mètres de profondeur une charge atomique de 5 mégatonnes. L'explosion de cette charge, prévue pour cette nuit, doit servir à la mise au point de l'ogive nucléaire du missile antimissile Spartan. Et c'est pourquoi le président Nixon a autorisé cette expérience. Au dire de la Commission de l'énergie atomique, toutes les précautions ont été prises, et même au-delà. Et pour le prouver, son président assistera à l'explosion avec toute sa famille. Cependant, des vagues de protestations se sont élevées, en Alaska d'abord, puis au Canada et aux États-Unis. 3 prix Nobel, 8 associations pour la défense de l'environnement, 4 pays étrangers, 34 sénateurs américains et même un conseiller du président Nixon ont fait de cette expérience une affaire politique. Novembre 71. Malgré les interdictions formulées par l'armée américaine, un petit groupe d'hommes embarque à Vancouver dans une ambiance de kermesse sur un vieux caboté de 25 mètres de long, le Phyllis McCormack, direction Amchitka. Sur la grande voile blanche, ils écrivent à la peinture verte un nom qui entrera bientôt dans la légende, celui de Greenpeace. Le but du voyage du Phyllis McCormack et de son équipage, c'est de protester et empêcher la tenue des essais nucléaires américains dans l'atmosphère. Car au Canada, frontalier de l'État d'Alaska, la colère gronde depuis plusieurs mois. Le site d'Amchitka est situé à proximité d'une faille sismique. Autrement dit, une explosion nucléaire pourrait entraîner un tremblement de terre et donc un raz-de-marée toxique sur toute la Colombie-Britannique. Sur place, les populations se mobilisent, mais sans résultat. En mer, l'opération menée par ce qui n'est alors que le comité contre le raz-de-marée est un échec cuisant, car le navire doit rebrousser chemin à mi-parcours. Mais à terre, cette aventure tient en haleine une grande partie de l'opinion publique qui la suit avec passion, jour après jour, à la radio. Phénomène qui aboutit à un mouvement de solidarité sans précédent. Des dizaines de milliers de personnes se rassemblent à Vancouver avec des banderoles estampillées Greenpeace pour protester ensemble contre les essais nucléaires. À leur retour, les marins du Phyllis McCormack sont acclamés comme des héros. Parmi eux, un ancien avocat, des anciens cadres de multinationales. On retrouve aussi un ancien garde-côte, Paul Watson, celui qui sera bien des années plus tard le fondateur de Sea Shepherd. À bord, il est aussi un journaliste du Vancouver Sun, chargé de suivre l'aventure et qui deviendra par la suite l'idéologue du groupe, Bob Hunter. Tous ont pour trait d'union leur engagement pour la protection de la planète, comme le confirme l'un d'eux, Bob McClave. Je suis un volontaire. Je ne suis pas payé. Je suis juste là pour la nourriture et pour l'engagement émotionnel que défend Greenpeace. Pas seulement pour Nuclear, mais pour un tas d'autres choses. Ce n'est pas juste une cause. Je crois en un avenir meilleur. C'est ça, ou mourir dans notre propre merde. Ce n'est pas très joli à dire, mais c'est la vérité. Et nous devons changer ça. Quelques mois plus tard, en février 1972, la première puissance militaire mondiale capitule face à la mobilisation d'une partie de l'opinion publique. Les États-Unis d'Amérique arrêtent leurs essais nucléaires à Amchitka. Les écologistes, fer de lance de la contestation, obtiennent ainsi leur premier succès. À la fois incroyable et inespéré, cet épisode marque le point de départ d'un combat qui se poursuit aujourd'hui encore et plus que jamais. Auréolé de son succès, le petit comité contre le raz-de-marée situé à Vancouver se transforme progressivement en fondation. Comme nom, il reprend la devise inscrite à la peinture sur les voiles de son précédent navire, Greenpeace. Comprenait en français la paix verte, ou plus précisément la nature en paix. Ils ne sont alors qu'une vingtaine de personnes. Ils n'ont que 9 000 $ en banque, ils ne possèdent pas le moindre équipement, et pourtant, ils ont déjà vécu une arme redoutable, l'opinion. Après l'Alaska, la Fondation Greenpeace continue son combat contre les essais nucléaires. Sa prochaine cible se trouve dans le Pacifique Sud. Il s'agit de l'atoll du Mururoa, Polynésie française. Un lieu où les militaires aux insignes bleu-blanc-rouge procèdent depuis 1966 à des essais nucléaires dans l'atmosphère. À Auckland, en Nouvelle-Zélande, un particulier du nom de David McTaggart leur prête son navire, le Vega. Et c'est à bord de ce petit ketch de 12 mètres, à la coque peinte aux couleurs arc-en-ciel, que pendant 2 ans, les militants écologistes viennent perturber les campagnes d'essais français. Sur le papier, le rapport de force, une fois de plus, est totalement démesuré. D'un côté, David, avec sa poignée de militants et son petit bateau. De l'autre, Goliath et son armée de plus de 1500 hommes, ses 5 destroyers et ses dizaines d'hélicoptères. Une confrontation qui débouche le 14 août 1973 sur un incroyable épisode resté depuis dans les annales. Face à la récurrence des intrusions de Greenpeace en zone interdite, l'armée française envoie ses commandos à l'abordage du navire écologique, le Vega. La scène violente est immortalisée par les clichés d'un photographe de l'association. Des photos qui feront par la suite la une des journaux dans une vingtaine de pays. C'est le premier grand coup médiatique de l'association dont le nom résonne désormais sur les 4 continents. Mais c'est également une prise de conscience pour ses membres qui comprennent que c'est avec ces images chocs et ces vidéos spectaculaires qu'ils arriveront à convaincre l'opinion. Le 24 septembre 1974, la France annonce l'arrêt de ses essais nucléaires dans l'atmosphère. Deuxième voyage, deuxième victoire pour Greenpeace face aux États. Dans la presse, certains journalistes se demandent alors si derrière l'association ne se cacherait pas un lobby politique. une théorie battue en brèche par Rémi Parmentier, membre de l'association et futur fondateur de Greenpeace France. Pas d'autre prétention que d'œuvrer pour la sauvegarde de la mer. Nous ne sommes pas un groupe politique, nous sommes simplement un groupe de gens ordinaires déterminés à faire quelque chose de concret et d'efficace pour que l'on cesse de détruire la mer. Détroit de Bering, novembre 1975. Nous sommes à bord du navire étendard de Greenpeace, le Phyllis McCormack, celui-là même qui sévit lors de la première expédition en Alaska. Si nous nous trouvons là, c'est que depuis la fin de la campagne de Mururoa, Greenpeace abandonne provisoirement la lutte contre les essais nucléaires pour se consacrer à la défense des animaux marins, phoques et baleines en particulier. Car voilà une dizaine d'années que la demande toujours plus forte des consommateurs et la pêche intensive censée lui répondre provoque des ravages. Les baleines massacrées, c'est assez. Plusieurs rapports scientifiques sonnent l'alarme sur la disparition possible de certaines espèces avant la fin du siècle, tant il est vrai que sur leurs chalutiers, géants soviétiques, japonais et norvégiens, ça donne à des campagnes d'abattage au harpon. Comble de la situation, ils rejettent parfois à la mer les cadavres de baleineaux fraîchement tués, mais pas assez rentables pour être dépecés. Les chiffres font froid dans le dos. Pour la seule année 75, on estime à 40 000 le nombre de baleines tuées à travers le globe. À terre, nombreuses sont les organisations écologiques qui se saisissent du problème. Seulement, aucune d'entre elles n'est capable d'aller en mer pour saisir les images de ces massacres. Seul Greenpeace a les moyens de réaliser de telles opérations au large, grâce notamment à ses zodiacs. Vous avez vu le baleinier ? Oui. Alors, on a laissé l'homme à ce côté. Il n'est pas en train de chasser actuellement. Alors, pour l'instant, on attend. On reste ici parce qu'il est, il va à grande vitesse. Et quand il ralentira, ça sera, ça voudra dire probablement qu'il commencera pour chasser les baleines et on filera tout droit. Vous intervenez. Comble de l'ironie, ce sont les militaires français qui ont à leur insu donné à Greenpeace l'idée d'utiliser des zodiacs pour intercepter les chalutiers. Lors de l'arrestation musclée à Mururoa en 1973, les écologistes se sont fait surprendre par la rapidité d'approche des petites embarcations. Eh bien, ils en ont déduit que leur réussite passait aussi par ce genre de matériel et ils l'ont rapidement adopté. Grâce aux zodiacs, Greenpeace filme de très près les campagnes de pêche. Persuadés que la présence de la caméra les protège des tirs de harpons, les zodiacs se livrent aux manœuvres les plus audacieuses et les plus dangereuses pour ralentir les baleiniers et autres bateaux massacreurs pris en flagrant délit d'attentat contre la nature. Des heures durant, les militants filment aussi les images des tirs de harpons et les traînées de sang, scènes brutales et glaçantes. À leur retour à San Francisco, le récit de leurs exploits trouve un écho important auprès du public. Les premiers films sur cette aventure sont diffusés à la télé en Europe et aux États-Unis. Le choc des images provoque une prise de conscience. Alors, les donateurs affluent, les caisses de l'association sont pleines et le soutien populaire incontestable. Les années suivantes, Greenpeace repart en mer et maintient sa pression sur les pêcheurs. Il faut attendre 1981 pour que l'acharnement des écologistes paye. Les soviétiques ont décidé, vous le savez, de gracier des milliers de baleines. L'URSS va déposer ses harpons au vestiaire, désarmer sa flottille et ne plus chasser le cétacé de par les mers. Pour les organisations de défense des baleines, on a gagné une bataille, mais la guerre n'est pas terminée pour autant. Il reste encore à convaincre les Japonais. C'est ce que pense Rémi Parmentier, l'un des animateurs de Greenpeace. Cette décision soviétique risque d'avoir des conséquences politiques très importantes au sein de la Commission baleinière internationale. Le rapport de force sera indéniablement bouleversé. Si c'est confirmé, la chasse baleinière dans le monde prend un très grand coup. Ceci dit, on n'a pas gagné. Attention, on n'a pas gagné et il ne faut pas désarmer. Il y a apparemment l'URSS qui arrête, il reste le Japon, il reste d'autres pays derrière le Japon et il faut continuer à se battre. L'année suivante, la Commission baleinière internationale décide d'interdire toute chasse commerciale à la baleine. Mais en effet, le Japon, la Norvège et l'Islande refusent de se soumettre à cette résolution. Greenpeace a de nouveau gagné une bataille, mais pas encore la guerre. la suite de ces campagnes de sauvegarde des animaux marins, les fondateurs historiques de l'association écologique sont peu à peu remplacés par de nouveaux dirigeants. C'est David MacTaggart, l'homme qui avait prêté son bateau lors de la campagne du Mururoa, qui prend contrôle de l'organisation. L'ancien businessman réoriente et concentre les actions sur la lutte antinucléaire et en particulier le danger que représente le transport des déchets radioactifs et leur rejet en mer. Ce qui conduit à un moratoire et l'interdiction de ces mêmes rejets, mais oui, en 1983. Malgré des dissensions internes, l'audience de Greenpeace ne cesse de croître. À travers le monde, l'association compte au début des années 80 plusieurs dizaines de milliers de membres. Elle possède désormais une dizaine de bureaux nationaux, dont un en France. En plus des cotisations, les ressources de l'organisation sont augmentées par la vente de t-shirts, badges, autocollants, posters. Son budget atteint plusieurs centaines de milliers de dollars. C'est précisément grâce à cet argent que l'association rachète un ancien chalutier britannique de 44 mètres de long. Un navire qui devient le fer de lance de sa lutte en mer, son nom, le Rainbow Warrior, le guerrier arc-en-ciel. Face à cette ébauche de puissance et ses revendications croissantes, Greenpeace irrite certains États. Désormais, l'association inquiète en haut lieu, et en particulier à Paris, où les responsables français du ministère de la Défense entendent poursuivre leurs essais nucléaires, souterrains cette fois, dans le Pacifique toujours. Greenpeace contre la France. La nature contre les dérives de l'homme. Une situation qui va aboutir au drame d'Auckland en 1985. Le bateau de l'organisation écologiste internationale Greenpeace, le Rainbow Warrior, a coulé hier dans le port d'Auckland, en Nouvelle-Zélande, et cela à la suite de deux explosions. Un membre de l'équipage est mort. La police néo-zélandaise pense qu'il s'agit d'un sabotage. Le navire s'apprêtait à appareiller pour Mururoa, en Polynésie française, pour protester contre les essais nucléaires de la France dans ce secteur. Auckland, 11 juillet 1985. La nouvelle de l'attentat contre le Rainbow Warrior se répand comme une traînée de poudre partout dans le monde. En Nouvelle-Zélande, pays où l'association écologique est très populaire, elle provoque une grande émotion. Le coup est dur pour Greenpeace, qui avait investi une grande partie de ses fonds dans la remise à neuf du navire. Qui plus est, l'un de ses militants, un photographe, est mort. Greenpeace, qui se croyait protégé par ses caméras et le soutien de l'opinion publique, devient la cible, non pas d'un assassinat prémédité, mais d'une bavure dramatique qui provoque la mort d'un homme. Écoutez la réaction de cette militante, Louise Trussel, membre de l'équipage du Rainbow Warrior. Qui pourrait nous en vouloir à ce point-là, dans les mesures où on est maintenant quasiment sûr que ce soit un attentat? Ça, on ne peut pas savoir. Pour l'instant, on n'en sait rien du tout. On n'a pas eu de menace. On n'a pas eu de menace, ou bien en France, ou bien dans d'autres pays. C'est la première fois qu'une telle action est lancée contre Greenpeace. C'est la première fois que Greenpeace a eu un mort, même un blessé grave. Et c'est certainement la première fois qu'on a éprouvé ce genre d'expérience. Petit à petit, l'enquête menée par la police néo-zélandaise met en lumière des faits étonnants. Grâce à un tissu de preuves, on découvre que ce sont des agents français de la DGSE, Direction Générale des Services Extérieurs, autrement dit nos services secrets, qui sont derrière toute cette opération. Le scandale de l'attentat du Rainbow Warrior se transforme alors en une tempête politique qui balaye les plus hautes autorités militaires et politiques, provoquant la démission du ministre de la Défense, Charles Hernu. Si aujourd'hui encore, cet épisode reste retentissant 31 ans après, c'est qu'il a apporté la preuve du pouvoir de Greenpeace sur les pays, leur gouvernement et surtout, oui, surtout, sa capacité à les inquiéter. Pour eux, Greenpeace, c'est le péril vert. En 1987, un tribunal international condamne la France à payer 8 millions d'euros à l'association. Porté par un formidable soutien de l'opinion internationale qui a pris fait et cause pour son combat, Greenpeace repart en croisade à partir de 1990 en Polynésie française. Alors qu'elle est à l'agonie sur le plan financier, cette bataille permet à Greenpeace de revenir sous les feux des projecteurs médiatiques. À bord du Rainbow Warrior 2, ses militants engagent une lutte intensive, comme ici, au large de la zone interdite. 7h38 sur France Inter, la question du jour. Stéphane Paoli, bonjour. Bonjour. Rainbow Warrior 2 fait route vers l'atoll de Mururoa, site des essais nucléaires français qui doivent reprendre en septembre prochain. En ligne ce matin, grâce à une liaison satellite, Jean-Luc Thierry, qui est le responsable français de la mission à bord de Rainbow Warrior 2. Bonjour. Bonjour. Avez-vous pu identifier ce navire qui vous suit depuis maintenant un petit peu plus de 24 heures? Malheureusement, non, on en est encore à le suivre sur le radar. On suit très nettement sa course. Il ralentit quand on ralentit et il n'y a aucun doute sur le fait qu'il nous suive. On peut distinguer les superstructures de loin, mais on ne peut pas vraiment l'identifier. Il a refusé tout contact radio. On a essayé de lui transmettre un message directement en mettant des zodiacs à l'eau et en allant à sa rencontre, mais à ce moment-là, il s'est éloigné. Avez-vous le sentiment, Jean-Luc Thierry, que la précédente affaire il y a 10 ans du Rainbow Warrior vous protège maintenant? Pour partie, certainement, parce que je crois que le gouvernement français a payé très cher cette manière expéditive de résoudre la question de l'opposition aux essais. D'un autre côté, il y a aussi une certaine tension dans l'atmosphère. Bon, les militaires se préparent à notre arrivée et je crois qu'il faut tout de même être prudent et ne pas faire n'importe quoi. Un an plus tard, en 1996, ses efforts sont couronnés de succès, une fois de plus. Jacques Chirac annonce en effet l'arrêt de son programme d'essai nucléaire dans le Pacifique. Après plus de 20 ans de combats, de douleurs et de protestations, les écologistes obtiennent gain de cause. En réalité, nombreux sont ceux qui considèrent que c'est pour des raisons de politique intérieure, peu liées aux revendications écologistes, que la France abandonne ses tirs souterrains. Il n'empêche, cette décision va parfaitement dans le sens de Greenpeace. Au même moment, l'association écologique est en plein bras de fer dans les eaux de la mer d'Écosse. Il se trouve que le groupe pétrolier Shell se prépare à faire couler une vieille plateforme pétrolière. Greenpeace dénonce, chiffre à l'appui, un acte de pollution considérable de près de 5500 tonnes de résidus pétroliers. Les écologistes crient au scandale et accusent le groupe pétrolier de choisir la solution la moins onéreuse pour elle, pas pour la nature. La presse relaie l'information et l'opinion se mobilise. L'affaire de la plateforme Brent Spar, c'est son nom, devient un enjeu politique au Royaume-Uni, mais aussi aux Pays-Bas et en Allemagne, où Greenpeace est très puissant. Dans un premier temps, les écologistes tentent d'empêcher l'opération de sabordage de la plateforme en élitroyant plusieurs de leurs hommes au sommet de l'installation. Spectaculaire, mais inefficace. Greenpeace met alors en place une autre stratégie qui, elle, sera redoutable, le boycott. Présent en Allemagne, Olivier Schned, le correspondant de Radio France, en explique le principe. Deux militants de Greenpeace devant une station-service Shell, encourageant l'automobiliste à aller jusqu'à la prochaine station. La scène est courante en Allemagne, où le boycott prend des proportions considérables et inquiétantes pour les 1700 franchisés du pays. Jusqu'à 50% de chiffre d'affaires en moins, les pertes du groupe atteindraient 75 millions de francs par jour. Il faut dire que l'opération lancée par l'organisation écologiste a été largement relayée par les partis politiques de gauche et de droite. Le ministre de l'économie a même hier appelé au boycott. L'église protestante, 30 millions de membres, a aussi pris position contre la compagnie pétrolière. Shell continue malgré tout à expliquer qu'une destruction en mer est plus sûre qu'un démantèlement à terre, mais à quelques heures de l'arrivée de la plateforme, au point prévu de sabordage, sa position devient difficile à tenir malgré le soutien du gouvernement britannique. D'autant que deux passagers clandestins, militants de Greenpeace, sont à bord de Brent Spar. Ils y ont été déposés par hélicoptère. Alors, avant éventuellement de couler la plateforme, il faudra les en déloger. L'affaire de la plateforme Brent Spar illustre la puissance du boycott, arme capable de faire plier les plus grands industriels qui se retrouvent soumis à la pression du marché. Dans le cas de Shell, face à une situation devenue intenable, le géant anglo-néerlandais décide d'abandonner son projet de sabordage. Alors Greenpeace triomphe, David est plus fort que Goliath, encore une fois. Pourtant, quelques mois plus tard, prise la main dans le sac, l'association écologique reconnaît avoir surestimé ses chiffres concernant la pollution des rivages. Ces excuses ne font que quelques lignes dans la presse quand les déboires de Shell, eux, alimentent des pages entières. Au tournant des années 2000, Greenpeace fait face à la révolution numérique. Les revendications sur Internet sont mondialisées, participatives. Les réseaux sociaux proposent leurs propres pétitions en ligne et leurs propres groupes de pression. Les images de protestations affluent du monde entier. Toujours en perpétuelle évolution, Greenpeace multiplie ses terrains de bataille. Elle soutient à la fois les énergies renouvelables et promeut un modèle de développement durable. Elle défend les forêts amazoniennes. Elle lutte contre l'utilisation de substances nocives dans les appareils électroniques. Elle s'engage contre certaines guerres et certains conflits. Elle dénonce le manque de sécurité des centrales nucléaires et le grave problème des déchets. Championne à la fois du savoir-faire et du faire-savoir, on n'a pas fini d'entendre parler de Greenpeace tant que la nature ne sera pas en paix. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, vie et œuvre de Greenpeace, grande aventure dont voici comme invité l'un des héritiers. Jean-François Julliard, vous êtes directeur de Greenpeace France, bonjour. Bonjour. Vous êtes un héritier de cette, forcément maintenant, hein, avec une place privilégiée pour être un héritier. Oui, en tout cas, je m'inscris dans cette aventure-là, dans cette histoire-là, parce que c'est vraiment une histoire qui continue aujourd'hui et qui va continuer longtemps. Et qu'est-ce que vous ressentez quand vous entendez cette histoire-là, la façon dont Greenpeace, avec la force de ses convictions et de ses actes, a réussi comme ça à s'imposer comme une ONG combattante, efficace? Je trouve que ce qui est assez magique quand on entend ça, c'est que finalement, l'essentiel de Greenpeace reste. Encore aujourd'hui, le monde a changé, Greenpeace a changé, on est devenu une organisation plus importante, on a... Professionnalisé, ouais. Oui, faut pas avoir peur de ce terme-là, mais on reste une organisation très, très militante, très déterminée, et finalement, ce qui a animé les premiers participants à cette aventure Greenpeace continue d'animer les équipes aujourd'hui, qu'elles soient salariées ou qu'elles soient bénévoles, qui rejoignent ce mouvement qui est Greenpeace dans le monde. C'est cette capacité de croire qu'à quelques-uns, on peut changer le cours de l'histoire, qu'à quelques-uns, parce qu'on reste, encore une fois, même si on est plus nombreux que dans les années 70, on est tout petit encore face aux géants du pétrole, par exemple, pour ne prendre que ce sujet-là, et de croire qu'à quelques-uns, on peut avoir une influence, une efficacité, un impact, et faire en sorte que ce monde s'améliore. Votre action est, me semble-t-il, ouvertement politique, parce que la politique, c'est pas les luttes d'influence, les luttes pour avoir une place, c'est plus grand que ça, la politique. La politique, c'est un choix de valeur, de civilisation. En ce sens, est-ce que vous êtes une organisation politique? Oui, on est une organisation politique non partisane, parce qu'on ne prend pas parti pour un candidat lors d'une élection, par exemple, qu'on ne soutient pas un parti politique, mais on est une organisation politique dans le sens où, effectivement, ces questions environnementales, cette question climatique qui nous anime aujourd'hui, elle est éminemment politique. Elle dépend de politiques publiques qui sont mises en œuvre ou pas. Elle dépend de politiques industrielles aussi, qui sont aujourd'hui néfastes très souvent pour la question du dérèglement climatique. Donc oui, on essaie on passe notre temps à interpeller des décideurs politiques, des décideurs économiques, à essayer de les convaincre, à tenter de leur expliquer en quoi leurs choix sont bons ou mauvais. On essaie de les encourager à aller plus loin. On essaie de les pousser pour avoir plus d'ambition. Donc c'est vrai qu'on passe beaucoup, beaucoup de temps à discuter, à interpeller, à tenter de convaincre les responsables politiques. Alors la sauvegarde de la planète, ça passe effectivement par des politiques publiques, ce qui induit une volonté politique. Ça passe par les acteurs économiques, évidemment, qu'il faut fixer des règles, qu'ils doivent observer. Ça passe par vous, les organisations, les ONG comme la vôtre. Et puis, n'oublions pas, un quatrième élément très important, ça passe par vous et moi, nous tous. Par nous, par nos gestes quotidiens. Est-ce que sur ce terrain du geste quotidien, Greenpeace a une action? Oui, parce qu'on essaie alors on a une approche et on a une action en ce sens où effectivement on a tous une part d'action possible dans notre quotidien. On peut tous aujourd'hui avoir des gestes qui sont bons pour l'environnement et pour le climat. On peut tous décider de prendre le train plutôt que l'avion. On peut tous décider de devenir végétarien ou de manger moins de viande. On a tous des possibilités d'action. On peut tous choisir notre banque. Les banques ne sont pas toutes responsables vis-à-vis de l'environnement. On peut choisir son fournisseur d'électricité, son fournisseur d'énergie. Il y a beaucoup d'actions comme ça dans notre quotidien, qui ont un impact réel. Et plus on est nombreux à se mettre en mouvement sur ces sujets-là, plus cet impact est important. En revanche, on refuse de faire croire que tout passe par un changement et une action citoyenne. Ce serait trop facile et serait trop de poids sur nos épaules. Exactement. Ceux qui sont et c'est vrai qu'on est un peu frustré en ce moment parce qu'on sent, par exemple, il y a eu ces dernières semaines plusieurs marches et manifestations dans les rues de Paris et des autres villes de France. Et c'est bien qu'il y ait de nouveau cet élan pour un mouvement climatique citoyen et on y participe et on marchera aussi le 8 décembre dans les rues de Paris et d'autres villes de France. Mais en revanche, il ne faut pas effectivement que ça déresponsabilise les politiques des actions qu'ils ont à mener, des mesures qu'ils ont à mettre en place. Donc il faut cet élan citoyen, mais il faut que cet élan citoyen il soit dirigé vers une action politique, parce que effectivement les citoyens doivent changer dans leur quotidien, mais doivent aussi être de plus en plus nombreux à interpeller leurs élus. On peut tous le faire à nos niveaux, on peut le faire nationalement, on peut le faire régionalement, on peut le faire dans sa ville, dans sa commune, etc., pour faire en sorte que les responsables politique s'empare de ce sujet-là et, encore une fois, mettre en place des politiques publiques qui nous fassent aller plus vite. C'est-à-dire que les citoyens sont là pour impulser un mouvement, mais s'il n'y a pas, à un moment donné, un choix politique, que ce soit une loi, une norme, une réglementation, un traité national ou international qui est concrétisé, on ne va pas aller suffisamment loin, suffisamment vite surtout. Alors justement, vite, et ça c'est important, c'est un combat contre la montre, il faut le rappeler, parce que pendant ce temps, les glaciers continuent à fondre, etc. etc. Absolument, et les experts du GIEC, vous savez, ce groupe international d'experts sur le climat, cette communauté de scientifiques sur le climat, a rendu un rapport extrêmement important début octobre, qui disait deux choses, à savoir que un réchauffement de 1,5 ou de 2 degrés, ce n'est absolument pas la même chose. Il y a une réelle différence. Jusque-là, on avait du mal à mesurer quelle était la différence entre 1,5, 2 degrés, 2,5, 3. On se disait, bon, c'est des chiffres, mais on voit pas trop ce qu'il y a derrière. Et pour la première fois, les scientifiques nous expliquent qu'il y a une vraie différence en termes d'impact sur nos vies à tous, en termes d'élévation du niveau de la mer, en termes d'augmentation des températures. 1,5, 2 degrés, ça fait vraiment une différence. Et donc, il faut se battre aujourd'hui pour rester le plus possible sous ces 2 degrés. Et le deuxième élément extrêmement important de ce dernier rapport et de cette alerte des scientifiques, c'est qu'il faut aller bien plus vite qu'on le pense, parce que le réchauffement va bien plus vite qu'on le pense. C'est-à-dire ce 1,5 degré qu'on pensait atteindre plutôt à l'horizon de la moitié du siècle, 2050, si on ne fait rien, on va l'atteindre dès 2030-2032. Donc ça va aller extrêmement vite. 2030-2032, c'est demain. Et donc c'est vrai que les scientifiques ont rehaussé d'un cran leur niveau d'alerte, ce qui nous impose, à nous, organisations, mais aussi aux responsables politiques, d'augmenter et de rehausser d'un cran la réponse à cette alerte des scientifiques. Alors, est-ce qu'on n'est pas en train de nous proposer avec l'écologie, la dernière grande révolution, après tout. C'est la révolution qu'on propose aux humains. C'est celle-là, non ? Alors, je ne sais pas si c'est la dernière, mais c'est l'actuelle. Mais l'actuel. Effectivement, c'est l'actuelle. Si on prend comme ça, peut-être que ça motive, si on se dit, on est là à un tournant, à la croisée des chemins, ça peut motiver. J'espère que ça peut motiver. Et nous, c'est ce qu'on essaie d'expliquer. C'est-à-dire que les choix qu'on doit faire aujourd'hui sont des choix profonds qui vont amener à des transformations réelles, massives, qu'on a même du mal à imaginer parfois, de nos sociétés. Ça veut dire, il faut changer nos modes de vie. Si on ne change pas nos modes de vie, on va continuer à avoir des mesures qui vont être à la marge, des mesurettes qui vont être à la marge et qui ne vont pas nous positionner sur un réchauffement tenable pour la planète. Donc ça passe par des changements profonds dans nos modes de consommation, dans les modes de production de tout ce que nous consommons dans notre quotidien, par des politiques énergétiques différentes, par des politiques de transport différentes. Il faut faire en sorte qu'on passe à autre chose que ce modèle qui repose par exemple sur le tout voiture. Alors j'entends bien qu'on me dit ces derniers temps, tout le monde ne peut pas se passer de voiture. C'est vrai, tout le monde ne peut pas se passer de voiture, mais beaucoup peuvent se passer de voiture et ne le font pas. Donc faut Il y a tout un monde à réinventer. On n'a pas besoin de voiture, on a besoin de se déplacer. On n'a pas besoin d'énergie. On a besoin de se chauffer, on a besoin de s'alimenter, on a besoin d'avoir de la lumière. On n'a pas besoin de nucléaire. On a besoin d'avoir de la lumière et de l'électricité. Donc c'est tout ça qu'il faut réinventer. Et c'est vrai que c'est quelque part, moi je trouve que c'est extrêmement enthousiasmant parce que c'est se projeter dans un monde qui n'existe pas aujourd'hui, qu'on peut tous inventer à notre manière et qui va amener des bouleversements, mais des bouleversement positif, parce qu'à la fin, tout ça, c'est positif. Il y a aussi, alors, dans cette action pédagogique, qui est aussi la vôtre, la preuve, c'est ce que vous faites en ce moment, au nom de Greenpeace, c'est de redire également que c'est pas un projet à très très long terme et qu'on en verra les bénéfices quand on sera tous morts. Non, c'est là, maintenant. Ah ben c'est là, c'est important de le dire. C'est là tout de suite, parce que les impacts des changements climatiques sont déjà là. Alors, en France, on n'est pas le pays le plus exposé à ça. Donc, c'est vrai que parfois, on a un peu de mal à imaginer ce que ça veut dire, les changements climatique. Mais dans beaucoup de régions du monde, ces changements sont déjà là. Et les populations sont déjà impactées par une accumulation des phénomènes météorologiques extrêmes. Et on le voit bien, tous les étés, il y a de plus en plus de phénomènes météorologiques extrêmes, que ce soit des records de température battus dans des régions absolument improbables jusque-là, des incendies de forêt pour la première fois cet été au Groenland, des sécheresses et des inondations à répétition qui sont de plus en plus dures et de plus en plus intenses. Donc de toute façon, ces phénomènes-là, ils sont déjà là. Ça vient en France aussi, on le voit avec l'érosion du littoral, élévation du niveau de la mer, il y a des régions, et pas que dans les territoires d'outre-mer, aussi en France métropolitaine, qui commencent à se préparer à ces événements-là. Donc il faut effectivement se dire que c'est là tout de suite, ça nous concerne nous. C'est-à-dire que quand les scientifiques du climat nous disent le réchauffement c'est à l'horizon 2030-2032, beaucoup de personnes qui vivent aujourd'hui seront encore là en 2030-2032. Ah oui, heureusement. On va écouter maintenant un militant de Greenpeace, voilà, quelqu'un de chez vous, tout simplement, sur la nature du combat qu'il faut mener au nom de Greenpeace et de la sauvegarde de l'environnement, et nous sommes en 1995. D'accord, nous sommes non-violents, mais moi je dis qu'il s'agit d'une guerre. C'est une guerre pour la survie de la planète, c'est une guerre pour la survie des espèces vivantes. La guerre n'est pas jolie, la guerre ça n'est pas gentil, mais ça ne change rien à notre motivation. Il faut que nous imposions des changements radicaux à la façon dont les gens vivent sur cette planète. Sinon, nos petits-enfants et leurs enfants ne survivront pas. Une guerre, dit-il. Et on entend ça parfois. Vous adhérez à ce mot-là, guerre? Il faut mener une guerre contre ceux qui portent atteinte à la nature? Alors moi, je suis pas fan du vocabulaire militaire ou guerrier, mais c'est vrai qu'on a fait le choix d'appeler notre bateau le Rainbow Warrior. C'était pas guerrier. Un choix anodin. Donc c'est vrai que c'est une lutte plus qu'une guerre. C'est une lutte profondément non violente, et cette culture de la non violence est inscrite dans l'ADN de Greenpeace et dans tous les militants et les activistes qui nous rejoignent et qui nous aident à mener à bien nos missions. Mais c'est sûr qu'il faut être fort, il faut être déterminé, il faut être entêté, parce que ces changements ne viennent pas tout seuls. Et il faut continuer d'y croire. Quand on voit à quel point, en France, par exemple, sur la question du nucléaire, qui est l'une des campagnes emblématiques et historiques de Greenpeace en France, ça fait plus de 40 ans maintenant qu'on se bat contre le nucléaire en France, et quand on voit qu'il faut encore 8 ans pour fermer une centrale, celle de Fessenheim, qui, d'après les annonces récentes du gouvernement, va fermer en 2020, alors que François Hollande en avait fait la promesse en 2012, quand il était encore candidat à l'élection présidentielle. On se dit que c'est extrêmement long, tout de même, 8 ans pour fermer une centrale nucléaire. Donc c'est vrai que si on n'est pas entêté, si on n'est pas prêt à travailler sur ces sujets-là dans le long terme, on n'aboutit à rien. Aujourd'hui, ces questions-là se traitent sur le long terme et il faut persévérer. La question du nucléaire, on l'a abordée hier et on l'abordera une nouvelle fois vendredi avec notre invité Pierre Barbet, qui est maître de conférence en biologie cellulaire à l'université de Caen, Normandie-Caen. Et on parlera de la Hague ou comment vivre à côté d'une grande, une grande poubelle nucléaire. C'est une grande poubelle nucléaire, la Hague ? Ah, c'est une grande poubelle nucléaire qui déborde, surtout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une accumulation de déchets nucléaires en France qui fait que même EDF le reconnaît, ne sait plus où mettre ses déchets. Et donc, il y a ce fameux projet auquel on s'oppose d'ailleurs de centre d'enfouissement géologique à Bure, c'est le projet CIGEO, mais qui ne réglera rien au problème de toute façon. Déjà parce que les premiers déchets vont pas commencer à descendre sous terre avant 2030-2035. Oui, c'est pas opérationnel. C'est pas opérationnel du tout. Et on parle de quelque chose qui est un horizon au mieux un horizon 30. 10 ou 15 ans à partir de maintenant. Mmh. Et en attendant, ces déchets nucléaires, notamment les combustibles irradiés, c'est-à-dire une fois qu'ils ont été traités dans le réacteur nucléaire, continuent de s'accumuler dans les piscines de combustible qui sont présentes dans toutes les centrales, et ces piscines sont en train de déborder littéralement. Donc ouais. EDF réfléchit à avoir une espèce de piscine géante où on pourrait mettre tout un tas de combustibles irradiés, mais cette question des déchets nucléaires reste fondamentale. On ne sait toujours pas quoi faire de ces déchets nucléaires. Ils continuent de s'accumuler et c'est un vrai problème qui, pour moi, à lui seul, justifie le fait qu'on arrête avec le nucléaire, qu'on arrête de s'entêter dans le nucléaire et qu'on s'engage vers une vraie sortie du nucléaire. Bien, alors une dernière question sur l'histoire de Greenpeace et après on passera à l'actualité, hein, COP24. Cette affaire du Rainbow Warrior en 1985, alors on va pas la traiter par-dessus la jambe ou de façon anodine, parce qu'il y a quand même mort d'homme, faut le rappeler. C'est quand même un drame, cette affaire-là. La première et la seule fois un militant de Greenpeace, un photographe en l'occurrence, a été tué. Donc ça n'a rien de drôle. En revanche, pour, et même s'il n'était pas obligatoire de passer par là, pour Greenpeace, ça a été un tournant historique, hein, Rainbow Warrior, parce que Greenpeace avait été connu du monde entier déjà, avec cette image assez extraordinaire. Alors pour le coup, là, il n'y a pas mort d'homme, et on peut en parler différemment, de ces zodiaques qui allaient attaquer des baleiniers japonais, donc il y avait une vraie geste là, héroïque, quasiment. Et puis il y a surtout le Rainbow Warrior. C'était un tournant historique dans. C'est un tournant parce que oui, absolument, et particulièrement en France, mais pas que en France. Et aujourd'hui, il ne se passe pas, une semaine, un mois sans qu'on me parle du Rainbow Warrior. Et en plus, on a toujours un Rainbow Warrior qui continue de naviguer sur les eaux de cette planète, le Rainbow Warrior 3, qui continue de naviguer un peu partout. Mais c'est sûr que ça a été un tournant. Et comme souvent, ces épreuves, ces drames finissent par renforcer, et ça a renforcé l'organisation, et je crois que ça a renforcé notre motivation et notre détermination à persévérer sur tout un tas de sujets. Ça a été une épreuve parce que Greenpeace en France a été contraint de fermer tellement la pression politique était forte à ce moment-là. C'est devenu une affaire d'État réellement. Okay, oui. Et donc Greenpeace France a dû fermer parce que c'était un petit bureau à l'époque. On n'était pas en situation de gérer tout ce qui se passait, la pression politique autour de cette affaire-là. Et finalement, quand Greenpeace a réouvert deux ou trois années après le sabotage du Rainbow Warrior, on s'est dit il faut intégrer cette histoire-là. L'histoire de Greenpeace en France n'est en rien comparable à celle des Greenpeace dans les autres pays du monde. Le Rainbow Warrior s'est passé en Nouvelle-Zélande, mais ça concernait Symbolique ça concernait l'État français, effectivement. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, On a, je pense, peut-être un rapport Greenpeace en France et des relations avec les institutions et notamment avec les gouvernements et les ministres et le pouvoir exécutif qui là aussi est empreinte de cette histoire-là, de ce sabotage-là. Quand on rencontre l'État français, que ce soit un président, un chef d'État, un ministre, quelque part, on a toujours le sentiment que le Rainbow Warrior plane quelque part. C'est dans votre ADN. Mais c'est l'ADN de Greenpeace. Ça, et je pense que quelque part, il y a cette espèce de d'ombre ou de fantôme du Rainbow Warrior qui continue de circuler dans les couloirs de certains ministères français. Alors, donc, une charge réelle qui a tué, on le rappelle, un photographe portugais. Et puis une charge symbolique maintenant, très forte à partir du Rainbow Warrior. Alors, on va passer à l'actualité. De COP en COP, on espère mettre un vrai plan mondial de sauvegarde de la planète. De COP en COP, et puis certains ne suivent pas. Et le 1er juin 2017, Monsieur Trump, président des États-Unis, annonçait ceci. Les États-Unis vont se retirer de l'accord sur le climat de Paris. Nous avons commencé les négociations, nous allons lancer les négociations, soit pour reprendre l'accord de Paris, ou alors lancer de toutes nouvelles négociations, transactions, à des conditions qui soient équitables pour les États-Unis, les entreprises, les Américains et les contribuables américains, de manière à ce que nous puissions obtenir ce que nous allons négocier, et on va essayer de faire une transaction qui soit équitable. Si on ne peut pas, on attendra. Si on peut, tant mieux. Comment sauver la planète sans le concours de l'un des deux pays les plus pollueurs du monde ? L'autre, c'est la Chine. Ben il faut le faire. Non, mais c'est vrai que cette annonce de Trump était criminel, littéralement. C'est-à-dire que à ce moment-là, avec l'urgence climatique que plus personne ne conteste, quoi qu'en dise Monsieur Trump, annoncer comme ça un retrait unilatéral des États-Unis de l'accord de Paris, c'est criminel, effectivement. Et ça a été vécu comme tel aux États-Unis. Ce qui est rassurant quelque part, c'est que ça a créé une sorte d'électrochoc et que ça a mobilisé beaucoup d'acteurs autour de Monsieur Trump aux États-Unis et que beaucoup se sont dit, bon, on ne peut plus compter sur la Maison-Blanche, on va faire sans la Maison-Blanche. Et du coup, beaucoup de maires de grandes villes, par exemple, ou de gouverneurs d'État, ou d'entreprises américaines même, se sont dit, ce que Trump ne veut pas faire, nous on va le faire. Donc ils se sont empressés d'avoir des ambitions en termes d'utilisation des énergies renouvelables, d'économie d'énergie, etc., qui permettent de compenser, ou en tout cas on l'espère, de tenter de compenser la décision politique de M. Trump. Sinon, la COP24 en Pologne, pays qui carbure aux énergies fossiles polluantes, on se fout du monde ou quoi ? Mais c'est un peu une tradition, malheureusement. Les Nations Unies ont tendance à accepter d'avoir des COP dans des États qui ne sont pas les plus vertueux. Il y a eu une COP au Qatar, qui est l'un des principaux producteurs d'hydrocarbures. Il y a eu une COP en France, je le rappelle, l'énergie nucléaire. Même si ça a moins d'impact sur le climat, c'est quand même pas l'énergie dont on rêve. Maintenant, une COP en Pologne sur le charbon. Je viens d'apprendre que la COP l'an prochain, qui devait avoir lieu au Brésil, finalement n'aura pas lieu parce que les nouvelles autorités brésiliennes refusent d'accueillir la COP. Apparemment, c'est pas un bon... Son président n'est pas exactement, n'a pas une c'est pas, pour c'est pas un bon signal non plus. Ouais. Mais je me dis si à la limite on va en Pologne pour dénoncer fortement l'utilisation du charbon et donc demander au gouvernement polonais d'avoir un approvisionnement différent, tant mieux. Mais la difficulté, c'est que les COP finalement, échouent l'une après l'autre, ou en tout cas échouent à aller plus vite. Chaque COP progresse par rapport à la suivante, mais là on est déjà 4 ans, on va être déjà 3 ans après la signature de l'accord de Paris, donc on est à COP 24, la COP de Paris c'était la COP 21, on n'a pas beaucoup avancé, en tout cas pas suffisamment. Rapidement, qu'attendez-vous donc de cette COP 24 ? Allez, j'ai un objectif au moins. Le principal objectif, c'est de rehausser l'ambition des pays. Les Nations Unies hier nous disaient que si on veut être dans les clous par rapport à 2 degrés de réchauffement de température, il faut multiplier par 3 les engagements de l'ensemble des pays de la planète. Donc on va voir si les États sont capables d'annoncer un triplement de leur ambition pour lutter contre le dérèglement climatique. Une petite dernière chose qui me chiffonne, Jean-François Julliard. On vous voit beaucoup agir dans les pays démocratiques, moins dans les pays, disons, pas démocratiques. Alors évidemment, vous allez me dire, c'est plus facile d'aller manifester, là on a le droit, bien sûr, enfin quand même. Non, mais c'est parce que vous ne regardez pas suffisamment bien. On est présent Greenpeace en Chine, on est présent Greenpeace en Russie, on est présent dans beaucoup de pays. En revanche, c'est vrai qu'il y a des actions qu'on peut mener dans un certain nombre de pays qui sont impossibles, impensables à tenir dans d'autres pays. Pas forcément en raison du risque pris par nos militants ou nos activistes, mais c'est vrai qu'il y a un risque légal, mais il y a aussi une question de culture et de perception. Il y a des choses qui peuvent se faire dans un pays, qui sont comprises par un certain nombre de personnes dans ces pays-là, qui ne passeraient pas dans d'autres. Donc c'est vrai qu'on essaie d'avoir une approche très locale, et il y a des pratiques de Greenpeace qui sont relativement différentes d'un pays à l'autre, même si les valeurs fondamentales restent les mêmes et qu'on continue d'avoir une approche globale. Bon, il reste 20 secondes, j'essaye quand même. Les propositions de Emmanuel Macron hier, comment elles résonnent à vos oreilles? Décevant, parce que les émissions de gaz à effet de serre de la France continuent d'augmenter et qu'on n'a rien vu dans les annonces d'Emmanuel Macron hier qui nous permet de laisser penser que ces émissions vont diminuer au cours des prochaines années. Donc la France qui se veut exemplaire, Emmanuel Macron qui parade avec ce titre de champion de la Terre accordé par les Nations Unies, n'est malheureusement pas exemplaire dans les actes. Merci infiniment, Jean-François Julliard, directeur de Greenpeace France. Au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'histoire de Greenpeace, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site internet de France Inter pour y laisser, par exemple, et si vous le cœur vous en dit, vos commentaires.